en disant « Je suis le bon pasteur », Jésus réalise une prophétie de l'Ancien Testament qui est inscrite au chapitre 34 du livre d'Ézéchiel, un des plus beaux passages de l'Ancien Testament. Je le recommande à votre prière, votre méditation. Il est écrit « Car ainsi parle le Seigneur, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. » Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle, je les ferai paître avec justice. Vous voyez comme ce passage est plein de tendresse, plein de bonté. Et le méditer nous fait goûter quelque chose de cette tendresse de notre grand pasteur. C'est celui qui remonte d'entre les morts, nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, Jésus réalise cette prophétie au sens que c'est Dieu lui-même qui est pasteur, puisque le Verbe s'est fait chair et qu'il est venu chercher la brebis égarée, c'est Adam qui a rompu avec son père et qui a entraîné toute sa descendance. Ce bon berger, et cela l'Ancien Testament ne le disait pas, eh bien aime ses brebis jusqu'à donner sa vie pour elles. Voilà le prix que tu as aux yeux de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu met dans la balance son propre Fils pour te dire, comme dit un autre prophète, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Donc ce bon pasteur donne sa vie pour ses brebis et il les connaît, nous dit l'Écriture, comme il connaît le Père et que le Père le connaît. Ce sont les paroles assez mystérieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? Eh bien, quelle est cette connaissance que le Père a du Fils et du Fils que le Fils a du Père, sinon l'amour du Saint-Esprit qui est vie éternelle, qui est leur étreinte éternelle. Donc il ne s'agit pas ici d'une connaissance tellement informative ou intellectuelle que d'une expérience d'union, d'amour, d'amitié. Donc cet amour qui unit le Père et le Fils, il unit le Fils, le bon berger, avec ses brebis. Cette même vie intime d'amour du Père et du Fils, eh bien, elle peut exister entre les brebis et le pasteur. Et ce qui fait que nous avons d'une certaine manière deux formes d'expérience pastorale comme chrétiens, celle qui vient des pasteurs visibles qui sont devant vous, toute la hiérarchie, ou ceux qui ont en tout cas des responsabilités pastorales, mais aussi un autre pasteur qui nous est intérieur, qui est le Saint-Esprit. Et c'est par lui que nous connaissons le berger et que le berger nous connaît de cette connaissance d'amour, d'amitié et d'intimité, que nous pouvons nous laisser guider intérieurement, comme dit Paul, par un esprit renouvelé. Ces deux pasteurs qui ne sont qu'un, ne se contredisent pas, mais se complètent. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est dans le cœur, que vous croyez qui vient du Saint-Esprit, mais qui est contredit par l'enseignement ou par la vie de l'Église, ben, peut-être que ce n'est pas authentique. Ou au contraire, si l'Église enseigne des choses, mais que vous ne les expérimentez pas intérieurement, que vous n'en vivez pas, eh bien, ça veut dire qu'il manque peut-être une expérience nouvelle de l'Esprit dans notre cœur, pour que ces deux guides, le guide intérieur et le guide extérieur, se confirment l'un l'autre et nous donnent un chemin de justice. Je ferai paître mes brebis avec justice, c'est-à-dire sur un chemin qui est ajusté à la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un message de notre grand pasteur terrestre, dont j'ai eu la joie, je ne vous ai pas apporté la photo, j'ai oublié de serrer la main, François. Et je racontais à un de mes amis qui ne va jamais à la messe que quand j'avais serré la main du pape, ça m'avait complètement bouleversé, j'avais les larmes aux yeux. Ben, il me dit, voyons, il dit, c'est normal. Il dit, après lui, c'est le Christ, c'est Dieu. Je dis, ah, j'ai dit, tu me rassures, je ne savais pas que tu avais autant de théologie. Comme quoi, notre pape, il a un rayonnement auprès des gens qui ne sont pas forcément liés à lui. Et donc, ce grand pasteur, il a écrit une très belle lettre sur laquelle je voudrais attirer votre attention, en particulier pour vous les jeunes, à l'occasion de la JMJ diocésaine de 2018 sur le thème « Sois sans crainte ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire et de la méditer, mais le pape, au fond, parle aux jeunes de la question importante de votre vocation. Pourquoi? Eh bien, parce que le bon berger vous connaît et vous le connaissez et il a un projet de bonheur pour vous. Et nous sommes également dans un monde qui est profondément et de plus en plus déboussolé, qui ne sait plus d'où il vient et où il va et comment y aller, de toute façon, qui est perdu. Et on le voit ça tous les jours dans le spectacle du monde. Dieu a besoin de pasteurs selon son cœur. Qu'est-ce que c'est un pasteur? Eh bien, c'est quelqu'un de solide qui a une vie cohérente, en qui on peut avoir confiance, qui peut nous éclairer sur le chemin et nous conduire à des dépassements qui nous amènent à la plénitude. Ce n'est pas le privilège des prêtres ou des évêques. Ça peut être un père de famille, un éducateur, un professeur ou simplement un chrétien ou une chrétienne qui a une vie à la suite du Christ. Parce que comment est-ce qu'on devient pasteur? C'est en étant de vraies brebis. En suivant le pasteur, ben, on peut dire aux autres, « Suis-moi parce que je suis le Seigneur, le bon pasteur. » Mais nous avons aussi besoin dans notre Église de pasteurs qui sont là pour consacrer leur vie à conduire les hommes dans l'unique bergerie, les enfants du Père dispersés. Voilà ce que dit le pape dans la première partie de sa lettre, donc « Sois sans crainte ». Dieu connaît bien les défis que nous devons affronter dans la vie, surtout quand nous sommes face aux choix fondamentaux dont dépendent ce que nous serons et ce que nous ferons dans ce monde. C'est le frisson que nous éprouvons face aux décisions concernant notre avenir, concernant notre état de vie, c'est-à-dire célibataire ou marié, consacré ou marié. En ces moments-là, nous sommes tout bouleversés et nous sommes saisis de nombreuses frayeurs. Ceux qui ont accueilli le don de la foi et qui cherchent avec soin leur propre vocation ne sont pas épargnés par des peurs. Certains pensent, peut-être Dieu me demande-t-il ou demandera-t-il trop? Peut-être en parcourant le chemin qu'il m'a indiqué, je ne serai pas vraiment heureux ou bien je ne serai pas à la hauteur de ce qu'il me demande. D'autres se demandent si je prends le chemin que Dieu m'indique, qui me garantit que je parviendrai à le parcourir jusqu'au bout? Me découragerai-je? Perdrai-je l'enthousiasme? Serai-je en mesure de persévérer durant toute la vie? Alors, la première chose que je voudrais dire, parce qu'on entend souvent ça dans la bouche des jeunes qui ont peur parfois de donner tout leur cœur à Dieu, parce qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que Dieu va me demander? » Eh bien, ce que Dieu nous demande d'abord, c'est ce qu'il a inscrit dans notre nature. C'est-à-dire que nous sommes tous naturellement appelés au mariage. C'est une inclination fondamentale de notre être. Et Dieu nous fait désirer cela comme un bien, et si nous le possédons, nous sommes heureux. Mais Dieu aussi peut inscrire un autre désir d'ordre surnaturel. Ce désir qui va être aussi un objet qui va avoir un objet d'amour, et que si nous le possédons, nous rendra heureux. Le mariage est là pour prolonger l'œuvre créatrice de Dieu, la vie consacrée, le sacerdoce, pour l'œuvre rédemptrice de Dieu. Les deux grandes œuvres, Dieu crée et Dieu recrée, et il fait collaborer à ces deux grandes œuvres toute l'humanité. Donc, certains pensent, peut-être Dieu me demande-t-il trop? Eh bien, il ne demandera rien qu'il ne vous fera désirer. Il est un Dieu d'amour. C'est impossible qu'il vous demande une vocation que vous n'aimeriez pas. Et donc, si vous êtes appelé à cette vocation surnaturelle, qui n'est pas supérieure à la vocation naturelle, mais qui est particulière. Elle est supérieure dans le sens qu'elle est au service du dessein de salut, d'une certaine manière, mais elle n'est pas supérieure dans les personnes qui y accèdent. Eh bien, il vous fera désirer cette vocation. Il mettra un désir dans votre cœur, et si vous l'obtenez, vous serez heureux. Peut-être qu'en parcourant le chemin qu'il m'a indiqué, je ne serai pas vraiment heureux. Je ne serai pas à la hauteur de ce qu'il me demande. Eh bien, comme dit saint Augustin, « Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui appelle, et donc c'est lui qui sera avec vous tout au long du chemin. Moi, je veux témoigner de ça. Ça fait 23 ans que je suis prêtre et j'ai désiré être prêtre 6 ou 7 ans avant au séminaire. Ce désir ne m'a jamais quitté. Même si mes désirs naturels parfois se réveillent en moi d'avoir une femme et des enfants, ça me rassure parce que je me dis que je suis toujours un homme. Mais ce désir surnaturel ne m'a jamais quitté. En fait, il n'a cessé de grandir et de me rendre heureux. Et je vois la fidélité de Dieu tout au long de ma vie et comment sa miséricorde m'a soutenu tout au long du chemin. Si je devais faillir, ce ne serait pas de sa faute. Ce serait moi qui déserterais cet appel, mais je sais que je ne serais pas heureux. J'aurais pu répondre à une vocation naturelle et Dieu m'aurait laissé libre de le faire. Mais je pense que je n'aurais pas été vraiment heureux. Non pas encore une fois que le mariage soit moins bien, mais ce n'est pas mon appel. À chacun son appel. Le pape continue, « N'ayez pas peur de regarder franchement vos peurs, de les reconnaître telles qu'elles sont et de les prendre en compte. La Bible ne nie pas le sentiment humain de la peur, ni les nombreux motifs qui peuvent la provoquer. » Abraham a eu peur, Jacob a eu peur, et Moïse également, Pierre et les apôtres. Jésus lui-même, bien qu'à un niveau incomparable, a éprouvé de la peur et de l'angoisse. L'autre soir, nous étions avec le groupe Kérigma, le groupe missionnaire, et nous avons médité sur l'agonie de Jésus à Gethsémani, où il est devant sa passion et il a plus que peur, il a l'angoisse jusqu'à transpirer des gouttes de sang. Et comment est-ce qu'il va pouvoir faire ce passage? Eh bien, c'est en disant, « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » C'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui nous permet de surmonter toutes sortes d'obstacles intérieurs ou extérieurs à la volonté de Dieu. Et d'une certaine manière, la victoire de Jésus est déjà acquise à Gethsémani par le moment où il a dit oui. Le reste est la conséquence de cette obéissance qu'il a eue. « Pourquoi êtes-vous si craintif ?» dit Jésus dans l'évangile de Marc. « N'avez-vous pas encore la foi ?» Ce rappel alors de Jésus aux disciples nous fait comprendre comment souvent l'obstacle à la voie n'est pas à la foi, n'est pas l'incrédulité, mais la peur. Pour nous chrétiens en particulier, la peur ne doit jamais avoir le dernier mot, mais être l'occasion pour accomplir un acte de foi en Dieu et également dans la vie. Parce que si Dieu a peut-être un appel surnaturel sur nous, j'insiste là-dessus parce que c'est le dimanche du bon pasteur, eh bien, c'est pour déployer tout ce qu'il y a dans notre vie. Moi, je suis frappé de voir comment Dieu a pris tous mes talents, toutes mes ressources humaines que j'ai reçues par héritage, par hérédité de ma famille ou par ma culture, ma formation. Il n'y a pas même le hockey auquel je joue le vendredi qui ne sert pas à mon effort pastoral, la musique, la communication, le dessin, tout ce qui, au fond, habite ma personne humaine et maintenant au service du royaume et est un chemin d'épanouissement humain extraordinaire et qui est mis au service du dessein de Dieu, d'être pasteur avec le grand pasteur. Alors nous verrons dans les dimanches qui suivent, quels sont les moyens que le pape nous donne pour discerner notre vocation. C'est le grand moyen qu'il donne aux fidèles chrétiens et à vous en particulier, les jeunes. N'ayez pas peur, le grand berger est avec vous, mais il a donné à l'Église tous ses pasteurs, les prêtres, les évêques, mais aussi les chrétiens que vous connaissez, en qui vous avez confiance et qui vous aident à grandir, pour faire ce discernement qui se fait dans le temps. Mes brebis me connaissent comme je connais mes brebis, et je donne ma vie pour elles. Amen.